l'ambulance de la pose des organes mécaniques sur la première partie de la chaîne, ici et fait à la main. L'intérieur est un stade de Thank you.